Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, politique et race en France, un mariage dangereux, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a des discriminations, des inégalités, le racisme, la République, des questionnements qui reviennent toujours et désormais l'universalisme qui se trouve questionné. Alors pour commencer, les personnages. Un jeune homme face au racisme, un auteur universaliste, un historien qui démêle, une historienne militante, une biologiste qui affirme, une jeune femme consciente, un sociologue qui situe, une directrice déterminée et un cinéaste du génocide des Cambodgiens. Ensuite, le décor. Un universalisme théorique, des collectifs, le modèle américain, l'hypocrisie, des statistiques qui manquent, la violence policière et des héros. Aujourd'hui, 4e épisode, on scrute les mots. L'entrée race est intéressante parce qu'on a dit que le dérangeur finalement était un lexique protéiforme, autant dans le fond que dans sa forme. Le collectif piment. Graphiquement, on a voulu marquer un point et en tout cas certainement dire que race, on peut le dire plein de fois, race, ce n'est pas en le retirant de la Constitution que le racisme va disparaître, ce n'est pas en le retirant de la Constitution que les personnes qui sont victimes de racisme structurellement, et même de manière ordinaire, mais structurellement, ne vont plus l'être. Il n'y a pas des hommes qui seraient différents entre eux. Nous ne connaissons qu'une seule race, une seule famille. La famille humaine. L'universalisme en question. Il n'y a pas de place dans la République pour la race. Par Alain Lefkovitch et Somani Na. Et c'est pourquoi je demanderai au lendemain de l'élection présidentielle au Parlement de supprimer le mot race de notre Constitution. C'était le 4 juillet 2020 à Pigalle, au départ d'une marche des fiertés réduite à sa plus simple expression, pour cause de pandémie de coronavirus, sans char ni paillettes, ni même de sound system. Dans la foule, essentiellement constituée de jeunes d'à peine 30 ans, les messages à connotation politique étaient légion. Queen contre les centres de rétention administrative et les prisons, pouvais-je lire sur une pancarte juste devant moi. Femme 6, un peu plus loin, femme 6. Mes deux filles me prodiguaient alors un cours d'intersectionnalité, plusieurs formes de domination et de discrimination à la fois. L'universalisme avait-il fait long feu? Que restait-il de la marche pour l'égalité des droits et des grandes campagnes de lutte contre le racisme menées par le MRAP, la LICRA, la LDH et SOS Racisme? Le retrait du mot « race » du premier article de la Constitution avait-il eu des effets? Faute d'agir contre le racisme, on change les mots avait alors critiqué la droite, distillant l'idée et le sentiment que l'État serait raciste. Et face à lui désormais, une nouvelle génération d'acteurs antiracistes, plus radicaux, issus de groupes dits racisés, qui réorientent la lutte. Qu'en fera la France une et indivisible ? Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de François Hollande qui avait proposé donc. La suppression de la race dans la Constitution, je pense que... Aurélia Michel, historienne. Tout le monde est contre le racisme. La race, c'est mal. On a tout ça en tête et je pense que c'est un des fondements même de notre culture occidentale. La seule question, c'est si on ne veut plus du racisme, si on ne veut plus de la race, qu'est-ce qu'on est prêt à changer, à céder, à quoi on est prêt à renoncer hein, quand on fait une telle proposition? Moi, le racisme, j'ai su ce que c'était assez tôt. Le collectif Jeunes et Racisés d'Amiens. Enfin, genre de... Francis. De 0 à 5 ans, je ne savais pas ce que c'était. Je vivais dans un quartier à Amiens Sud. Tout allait bien, tout le monde était mélangé, il n'y avait pas de problème. Et un jour, mes parents ont décidé de déménager. Et donc, on a changé de quartier. Et on était les seuls noirs du quartier, justement. On est arrivé là-bas, ça allait bien. Je suis arrivé à la rentrée. J'étais nouveau. Et quelques jours après la rentrée, je suis dans la récréation, donc je connais personne, absolument personne. Et il y a deux élèves de ma propre classe qui arrivent et qui commencent à me menacer, à me dire « Ouais, Bamboula, qu'est-ce que tu fais là ?» Ils commencent à me pousser, commencent à m'insulter. Il y en a un qui me crache dessus. Donc je comprends pas ce qui se passe. Donc j'arrive chez moi, je pleure et tout. Je rentre, je dis ça à mon père. Et il me dit, ben, tu vois ce que tu as vécu, c'est le racisme. Et c'est pas la première fois que tu vas vivre ça. Et donc, la prochaine fois que tu vis ça, te laisse pas faire. Te laisse jamais faire. Parce que c'est pas la première fois que tu vas vivre ça. Et quand tu vas grandir, tu vas continuer à le vivre. Pendant la même période, ma petite sœur a rejoint l'école aussi. Elle a pas vécu tout ça. Elle a été plutôt protégée de tout ça. Moi, j'ai vécu ça. Et je l'ai très mal vécu, en fait. Et jusqu'à maintenant, je le vis mal. Mais c'est la vie. En fait, la société, elle est tellement, je vais utiliser le terme, matrixée par le racisme. Marlène. Que finalement, il dit c'est la vie. Mais non, ça ne devrait pas être la vie. Ça ne devrait pas être normal. Le racisme, on ne devrait pas l'accepter. Moi, je reste persuadé que le racisme, ça prend très petit. Antoine Spire, journaliste, écrivain et éditeur. C'est-à-dire que dans la pratique sociétale, dans les familles, s'enseignent des pratiques racistes, quelles que soient ces familles. Les enfants arrivent à l'école avec leur prévention et déjà leur prévention raciste. Or, essayer de lutter contre ça, c'est pas facile, c'est compliqué. Ça demande donc de raconter l'histoire, de dire qu'est-ce que c'est que le mouvement des Lumières, qu'est-ce que c'est qu'un universalisme qui ne soit pas abstrait et qui ne fasse pas dominer les traits des Blancs sur les traits des minorités, et que ce soit un vrai universalisme. Qu'on entre dans le détail de chaque tradition culturelle, historique, en disant qu'au fond, tout ça, c'est l'universalité. Tout ça, c'est universel. C'est j'adore le jazz. Le jazz est d'origine afro-américaine. Et donc, les afro-américains nous ont apporté ça. Ça fait partie de l'universalisme. Aujourd'hui, c'est une musique universaliste. Proust est un grand écrivain universaliste. Et pourtant, il est dans un petit milieu israélite, français. Mais si vous voulez, son amour de la langue fait partie de l'universalisme. C'est ça, l'universalisme. C'est cette manifestation concrète. Donc il faut prendre ces manifestations concrètes en disant comment elles sont devenues la propriété de chacun, de chaque homme et de chaque femme. L'idée de raciser vient d'un constat tout à fait légitime, de menées racistes sociétales, qu'on croit qu'elles sont le fruit, encore une fois, d'une politique d'État. Elles ne sont pas le fruit d'une politique d'État, elles sont le fruit d'éléments dans l'État qui pratiquent le racisme. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous savez sans doute que Pam Diaye, qui est un Français noir, je dis il est Français noir parce que sa peau est noire, qui a beaucoup travaillé sur l'intégration des Noirs dans la société française, a une très bonne définition de ce racisme en disant « Moi, je considère que, et en cela il est tout à fait universaliste, qu'il n'y a pas de racisme d'État en France, mais qu'il y a un racisme dans l'État. » Il le dit lui-même. Il faut aussi considérer que l'État n'est pas homogène. Pap Ndiaye, historien, spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités. L'État est fait d'institutions qui peuvent avoir d'ailleurs des objectifs et des pratiques contradictoires les uns par rapport aux autres. Foucault l'avait déjà bien montré dans Surveiller et punir, par exemple. Quand on considère une institution comme la justice a pu condamner l'État pour pratiques racistes, en particulier pour ce qui concerne les contrôles d'identité au faciès. L'État a été condamné à plusieurs reprises par la justice, ce qui serait inconcevable si la justice était au service d'une politique d'État qui serait une politique raciste. Pour autant, il ne faut pas non plus fermer les yeux sur des pratiques racistes qui existent dans l'État. Et par exemple, du côté de la police, on en a des témoignages multiples d'une police qui n'est pas simplement faite de quelques policiers racistes, mais qui est profondément infectée par des pratiques et par des cultures racistes qui sont extrêmement résistantes dans ce pays. Vous savez, il ne faut ni discriminer, ni se voiler la face, ni faire preuve d'angélisme. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Ah non, la République, elle n'est pas du tout raciste. Evelyne Heyer, biologiste, professeure en anthropologie génétique. On n'a pas des lois différentes qui s'appliquent aux citoyens en fonction de leur origine. Or, un État raciste, c'est un État où il y a des politiques qui sont différentes selon votre origine. C'était le cas pendant la colonisation. Je veux dire, les indigènes, entre guillemets, par exemple, en Afrique du Nord, on leur appliquait des lois différentes des non-indigènes. Là, on peut parler vraiment de racisme d'État. La France, on peut dire, on est une société qui est de moins en moins raciste. Néanmoins, il reste de la discrimination. Et cette discrimination, elle peut être inconsciente, elle peut être implicite. Et c'est pour ça qu'on parle de racisme systémique. Celles et ceux qui parlent d'État raciste font allusion à deux choses, me semble-t-il. D'une part, à une histoire, qui peut être d'ailleurs une histoire personnelle, liée à une immigration venue, par exemple, d'Afrique du Nord ou même d'autres régions anciennement colonisées, donc une histoire blessée, l'histoire d'ancêtres, de parents, de grands-parents qui ont été maltraités par la République. Et puis, ils font allusion à une autre chose très contemporaine. Ce sont les torts et les méfaits qu'ils peuvent vivre dans leur vie quotidienne pour accéder aux biens rares, comme disent les économistes, pour obtenir un travail, pour obtenir un logement. Les mille et une avanies qu'ils peuvent subir dans leurs interactions avec les institutions, avec la police en particulier, qui est sur la sellette ces temps-ci. Bref, il y a un ensemble d'expériences, de mémoires aussi, qui peuvent amener à la conclusion que la République est raciste. Et donc, il faut interroger des pratiques du passé et puis bien sûr des pratiques d'aujourd'hui, qui sont des pratiques qui posent problème et qui sont d'ailleurs en décalage flagrant avec les principes qui sont affirmés par ailleurs. La République française, liberté, égalité, fraternité, elle n'est pas en fait vraiment liberté, égalité, fraternité. Il y a une colonialité à l'intérieur d'elle. Françoise Vergès, politologue et militante féministe décoloniale. Pourquoi ces notions n'arrivent pas justement à être pleines, vous voyez, à être vraiment à s'appliquer pleinement? Parce qu'elles-mêmes, elles ont été travaillées par ça. Vous ne pouvez pas avoir des siècles de colonisation esclavagiste et post-esclavagiste sans que ça ait un effet. Ça commence au 15e et disons, bon, quelque chose se termine à la moitié du 20e siècle, ça se poursuit comme vous le, avec le néocolonialisme, ou je ne sais pas comment, enfin, peu importe le mot qu'on lui donne, mais toujours une relation de domination. Donc on a des siècles à transformer, et c'est ça. Donc la colonialité républicaine, c'est une république qui continue à ne pas appliquer ses propres principes, qui continue à avoir des territoires dits d'outre-mer, qui continue à appliquer une politique raciale à travers le monde, donc qui est toujours coloniale. C'est un faux universalisme où on dit que tout le monde est égal, que il n'y a pas de genre ni de race dans la société, que personne, on est considéré comme des individus, mais au final, les études sociologiques nous disent que non. Donc, je pense que c'est à chaque fois cette idée de poser un idéal qui n'est qu'un idéal de façade et qu'on regarde la réalité, c'est autre chose. Pape Ndiaye, on voit apparaître dans l'espace public un nouvel antiracisme. C'est la compétition entre les luttes, entre l'universalisme et ces nouvelles formes de lutte. Il me semble que ce nouvel antiracisme prend au sérieux l'universalisme. Il consiste à dire que l'universalisme, ce ne sont pas que des grandes déclarations qui ne s'occupent pas ensuite de vérifier si elles ont une quelconque application dans la réalité quotidienne. Ce nouvel antiracisme n'est pas anti-universaliste, fondamentalement. Il peut l'être dans ses marges. Moi, j'ai une formation d'historienne, en fait. Le collectif Piment, Bintou Fila. Et il a fallu arriver à un certain niveau d'études à l'université pour commencer à comprendre, par exemple, qu'il n'y avait pas qu'une seule abolition, qu'il y avait l'abolition de 1794, de la Révolution française, des luttes des députés noirs de Saint-Domingue, de connaître une figure aussi importante que Frantz Fanon. Voilà, de comprendre que la France avait une histoire particulière par rapport à l'esclavage et de déconstruire peut-être des idées reçues que moi j'ai eues à travers l'éducation que j'ai eue par l'école, où on a l'impression que quand on parle d'esclavage, on parle évidemment des États-Unis, quoi. Donc quand on parle de l'esclavage, on parle de l'histoire qui est française, en fait. Et je pense que c'est cette ignorance qui est aussi une ignorance qui va avec un espèce de déni, qui fait que on en est toujours encore aujourd'hui à parler d'universalisme, de communautarisme, et qu'on utilise des grands mots pour ne pas peut-être se voir, et qui, comme disait Frantz Fanon, cette dissonance cognitive qui fait que on a tendance du coup à aller chercher ou à se pas aller chercher nécessairement, mais à se comparer sans vouloir se comparer. Donc c'est assez contradictoire, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à se comparer aux Américains, à dire que nous ne sommes pas des Américains, nous n'avons pas la même histoire que les Américains, tout en ayant une espèce de compétition malsaine avec les Américains. Je pense que l'idée que... Magali Bessonne, professeure de philosophie politique. Les outils fabriqués et conçus aux États-Unis pour régler, ou en tout cas essayer de régler, ou en tout cas essayer de penser la question raciale aux États-Unis, ne sont évidemment pas, a priori, ceux dont on va avoir exactement besoin dans les autres contextes. Il me semble au contraire qu'il faut à chaque fois penser les relations raciales dans le contexte de leur construction. C'est encore une fois l'intérêt de penser la racialisation au lieu de penser la race, c'est-à-dire penser la construction sociale au lieu de penser la biologisation. Mais je pense important que les chercheurs français dialoguent avec les chercheurs états-uniens, et justement dialoguent, c'est-à-dire importent certains éléments, exportent d'autres éléments dans un dialogue productif qui permettrait d'affiner nos grilles de lecture et d'interprétation du monde social. Ce qui nous frappait dans les discussions que j'avais avec ce collègue américain, Lincoln Killian, Hugues Lagrange, sociologue et directeur de recherche au CNRS, c'est que ce sont des ségrégations très fines sur le territoire qui nourrissent finalement une forme d'apartheid social. Très clairement, ce qui est centre-ville aux États-Unis est plutôt phénomène de banlieue pour la ségrégation des pauvres en France, en région parisienne, la Seine-Saint-Denis, mais aussi des villes. Moi, j'avais étudié particulièrement dans le Mantois, dans le Val-de-Seine, des villes comme Mantes-la-Jolie ou les Mureaux, c'est noir et blanc. Il y a une ville blanche et une ville noire. Avec des générations qui sont les protestataires, très violents avec, si je puis dire, les meubles, 10 000 voitures brûlées, 300 ou 400 bâtiments publics, j'ai un peu oublié, enfin, une grande violence contre les choses. Et là, on voit que la protestation collective prend d'autres voies, inorganisées. Les grands frères ne servent à rien. Je schématise, évidemment, froisser personne, mais y a une nouvelle génération qui se sent abandonnée par l'État, par la société, par les institutions. Ils sont son repère politique. Il faut que les partis politiques se responsabilisent. Lovarinelle, présidente du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. On aurait dû poser les choses. L'argent qui a été mis là, moi, la région, tous ces élus qui avaient de l'argent pour des... Quel est le bilan? Personne ne répond à ça. Qui a pris l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table? Et c'est assez intéressant, il y a un film qui s'appelle Les Misérables. Je trouve qu'il a réussi à trouver avec justesse toute l'hypocrisie de toutes les strates de la société qui sont censées lutter contre ça. Parce qu'on voit bien qu'il y a des réalités sociales, il y a des enjeux politiques... Et tout le monde joue en fait de l'argent public, hein, parce que finalement c'est ça, en disant bah tiens je prends un peu en disant que j'aide les jeunes, mais finalement je maintiens le trafic de drogue là, et puis toi je te tiens une élection, et puis finalement l'autre avec sa mosquée il s'occupe finalement des enfants parce que personne veut s'en occuper. Mais c'est, enfin je veux dire, à un moment donné les gens et les choses à leur place, c'est la pauvreté le problème, c'est que quand on est en bout de chaîne comme ça sociale, on cumule tout. La question de se dire comment on brise la culture raciste, il y a le temps et la volonté politique. Mais quand pendant 15 ans, en fait, on a fait semblant, on s'étonne qu'après on a des discours séparatistes. Ils ont créé le monstre qui est là. Et nous, maintenant, bah, c'est difficile, en fait. Force est de reconnaître que l'État est embarrassé sur ces questions, et en particulier sur une question qui me semble absolument centrale, c'est celle de la mesure des discriminations. Les statistiques dites ethniques, bien qu'elles existent, sont quand même très peu développées, et on aimerait avoir des données plus consistantes dans des domaines qui sont des domaines importants de l'action publique. Je pense, par exemple, dans la santé, les inégalités de santé. Et on l'a vu, d'ailleurs, à l'occasion de la crise du Covid, hein, lorsque l'on a souligné à quel point une partie des gens très malades et même des morts voyaient une population qui est surreprésentée, qui est une population de première ligne, dans des emplois de première ligne, des gens qui habitent en Seine-Saint-Denis, etc. Il y a une population qui est une population non blanche, hein, qui a souffert particulièrement du Covid pour des raisons sociales. En particulier, on a besoin de travaux là-dessus, on a besoin d'études si l'on veut mesurer afin de mieux lutter contre des discriminations qui font l'ordinaire d'une partie de notre population. Puis il y a des institutions d'État, hein, il y a une secrétaire d'État qui est officiellement en charge de ces questions. Il y a le défenseur des droits comme autorité indépendante, il y a la DILCRA, bref, il y a un appareillage d'État qui, d'une certaine manière, reconnaît bien l'existence d'un problème. Sinon, il n'y aurait pas cette forme de mobilisation institutionnelle. Donc il faut faire feu de tout bois. L'école a son rôle à jouer, les institutions ont leur rôle à jouer, mais aussi les associations, y compris les nouvelles associations qui effraient tant du côté des autorités. Mais ces nouvelles associations ont une parole intéressante et, de mon point de vue, elles ne tournent pas le dos à la République. Elles la prennent au sérieux, d'une certaine façon, en exigeant que les principes d'égalité s'appliquent également aux personnes racisées. J'imagine que tout le monde connaît SOS Racisme, tout le monde connaît la Ligue des Droits de l'Homme, le MRAP, la LICRA. Et ben vous avez décidé de créer autre chose. Alors pourquoi ? Parce que vous estimez que ces grandes luttes contre le racisme, ça marche pas ? On pense que ces associations-là, elles prônent des valeurs qui sont peut-être pas les nôtres. En fait, nous, on se rapproche plus du collectif Adama, par exemple. Le collectif Jeunes et Racisés d'Amiens, Célia. Vraiment composé majoritairement de personnes concernées, alors que ces associations-là, elles vont faire des trucs qui, enfin, elles vont faire des actions qui sont parfois efficaces, mais dans l'ensemble, elles vont pas trop se mouiller. Elles sont un petit peu trop peut-être institutionnalisées, et nous, voilà, généralistes. Elles sont peut-être un peu trop proches des forces de l'ordre, des autorités, tout ça. Donc c'est peut-être pas très concret ce qu'elles font, alors que nous, bah, on va parler sans problème du racisme systémique, du racisme d'État. Voilà, on va pas se faire instrumentaliser, on va pas se faire récupérer, ça c'est clair. Donc voilà, on a réussi à s'en sortir. Une prof, Marlène, nous a dit qu'elle veut rejoindre notre association, mais pas rejoindre, mais qu'elle veut être liée avec notre association que si on change de nom, parce que le mot racisé ne lui plaît pas. Donc nous avons été tous d'accord qu'il est hors de question que nous changions de nom, parce que c'est notre nom, c'est ce qu'on veut. On veut pointer du doigt le problème, et justement le fait de nous faire changer de nom, c'est comme si elle ne veut pas reconnaître le problème. Racisation, la première fois que ça a été utilisé, c'est par Colette Guillaumin, donc dans un ouvrage qui s'appelle « L'idéologie raciste », qui a été édité en 1972. Donc on est en 2020 et on est en France à parler d'un mot qui fait débat, dont on pense que c'est un mot qui vient de la sociologie américaine, des réalités américaines, et qui du coup n'aurait pas de pertinence dans l'analyse sociologique et sur les questions raciales en France. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, une des raisons pour laquelle on avait, nous, envie d'analyser ce mot, c'est que pour nous, c'est un terme qui est utilisé aujourd'hui pour parler de toutes les personnes, entre guillemets, non blanches. donc qu'elles soient arabes, asiatiques, indiennes, non blanches. Et donc c'est un peu un terme fourre-tout. Et nous, dans notre parole, dans le dérangeur, on est quand même dans une parole noire, c'est-à-dire de l'histoire, des conditions noires. Et en fait, on avait envie de se dissocier un peu de ce mot-là, parce qu'on trouve que c'est un mot qui ne prend pas en compte la complexité des réalités du racisme qui est protéiforme, qui est beaucoup plus sophistiqué que simplement mettre sous un même chapeau le terme de racisé, et qu'on pense que, par exemple, le racisme construit par le colonialisme, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, sur lequel, par exemple, les personnes maghrébines ou perçues comme arabes subissent, n'est pas le même que celui des personnes noires, qui est un racisme qui s'est construit dès le 17e siècle à travers l'esclavage et à travers la déshumanisation des corps des Noirs. Je pense que, si vous voulez, aucun mot ne doit être pris seul comme ça et fétichisé. Ces mots doivent être pris dans des analyses qui vont vers des transformations contre les injustices et les inégalités. Vraiment. C'est-à-dire que ça doit aller avec la justice environnementale, la justice reproductive, la justice sociale, toutes ces formes de justice. Et on voit des déplacements, hein, puisqu'on a vu, si vous voulez, pour reprendre le cas français, qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, cette idée que nous, on est protégés parce qu'on est blanc était une illusion. Mais se reposer sur cette idée que finalement, eux, ben, c'est un peu normal que la police leur... parce que de toute façon, c'est des gens qui ne seraient pas comme nous. Mais la question que vous dites racisée, c'est que quand les personnes les plus racisées et les plus exploitées seront libres, tout le monde sera libre. Quand la femme noire la plus opprimée sera libre, toutes les femmes seront libres. Parce que vous partez de là où c'est le plus fort, l'exploitation et l'injustice la plus forte. Et si celle-là, on y met fin, eh bien toutes les autres. Ça ne peut pas partir par le haut, parce que sinon... Là, les systèmes de domination ne changeront pas. Et les systèmes de domination, ils sont, comme on dit aujourd'hui, dans l'intersectionnalité. C'est-à-dire, vous devez croiser toujours beaucoup d'éléments. Nous sommes tous, en réalité, à l'intersection de énormément de voies de circulation, qui seraient ces voies de discrimination. Et, en fait, nous avons tous, en effet, des situations spécifiques. Et ça, c'est très intéressant, parce que on se rend compte, du coup, que les catégories avec lesquelles on fonctionne seront toujours des approximations. Mais qu'il faudra toujours complexifier un tout petit peu le schéma pour arriver à traiter véritablement le type même de discrimination dont on fait l'objet. Qu'on soit, encore une fois, femme, noire ou arabe, ou, handicapée, vieille, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce que, justement, ça s'oppose complètement à l'essentialisation. Toutes ces lignes de force sociales nous construisent par définition, en relation avec les autres. Mais bien entendu, cette manière de procéder peut heurter et peut d'ailleurs susciter des controverses parfois vives avec l'antiracisme traditionnel, tel qu'il peut être proclamé par les institutions d'État et puis aussi par les grandes associations classiques qui se proclament historiquement comme universalistes. Donc il y a une responsabilité importante, je pense, de la part d'un antiracisme historique qui est tout à fait honorable, mais qui a buté à partir des années 1990 surtout, qui a buté contre des réalités qu'il avait beaucoup de mal à saisir, faute d'antennes suffisamment fines du côté de celles et ceux justement qui font l'expérience des discriminations. Le racisme, c'est pas simplement la violence dans sa dureté historique, en quelque sorte. Ce ne sont pas non plus les insultes telles qu'elles peuvent encore malheureusement exister, bien sûr. Mais il y a un racisme de tous les jours. C'est pas en niant la réalité qu'on efface les différences, ou du moins qu'on introduit une dynamique de convergence, de solidarité et finalement d'intercompréhension. Donc, je dis, il ne faut pas passer du fait au doigt. ce qui est, des différences réelles, ne doit pas être érigé en ce qui doit être, surtout en les accentuant. Donc, c'est en articulant les différences, sans les durcir, en voyant ce qu'elles doivent à l'histoire, qui n'est pas effaçable, les itinéraires, les migrations. On revendique par ailleurs la nécessité d'une mémoire, l'activité mémorielle, le fait de reprendre en compte, assumer le legs dont on est issu. Tout ça me paraît très bien. Ça consiste à dire, ben voilà, on est différent, ça ne préjuge pas d'une absence d'équité. Et c'est ça qu'on a pris un peu dans la figure. Et donc, il s'agit d'articuler des différences d'identité avec un idéal d'équité, si ce n'est d'égalité, à des gens qui diffèrent de vous par la couleur de peau, disons, pour le plus fréquent des cas, mais ça peut être par d'autres critères, la langue, la religion, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, on a assigné une identité française, blanche, à tous ces gens qui n'étaient ni blancs ni français ? Oui, on leur a dit « vous êtes français », et tout montrait qu'ils étaient des citoyens de second rang. Après cette marche, il faut que les choses, elles changent. Je vais me trouver un travail, un appartement. Puis surtout, je serai plus près de toi. Extrait du film La Marche. Ouais, mais moi, à Paris, j'ai mes études, ma vie et mes potes. Ouais, mais ça me dérange pas, au contraire. Moi, je vais vivre ça avec toi. Ah non, mais je t'arrête tout de suite, Sylvain. Notre histoire, elle s'arrête le 3 décembre. Je comprends pas. T'as grandi avec Farid et Mohamed. Tu sais très bien qu'une arabe et un français, c'est pas possible. T'es plus française. On marche depuis 1500 km et tu me sors un truc aussi con. C'est ça la marche pour l'égalité contre le racisme? C'est pas du racisme, c'est culturel. Donc quand c'est contre les arabes, c'est du racisme, et contre les français, c'est culturel. C'est ça? C'est très complexe comme discussion. Parce que le racisme, c'est sur toute une... Enfin, ça existe depuis bien longtemps. Ça a une histoire. Alors que le racisme anti-blanc, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas d'histoire. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cet argument. Pour moi, le racisme, c'est pas forcément une question d'histoire. Si demain, la société se retourne, que les Noirs sont au-dessus, que les Blancs sont discriminés, que les Blancs sont refusés au logement, à l'emploi, etc., et que les rôles sont complètement inversés, le racisme anti-blanc, il existera. Pourtant, il n'y a pas eu d'histoire avant. Donc, pour moi, ça, c'est pas lié. Mais en tout cas, exclure les Blancs d'événements ou de groupes, c'est pas ce qu'on fera, nous. Ces espaces de non-mixité qui viennent en fait de l'histoire, de l'organisation des ouvriers, parce que les zones de non-mixité, ça a commencé comme ça en réalité. C'est quand les ouvriers, quand le prolétariat au 19e siècle a voulu s'affranchir du paternalisme patronal, et en se disant qu'il fallait des syndicats, et qu'on ne pouvait pas parler de sa condition de prolétaire, d'ouvrier, avec le patron qui était dans la même pièce, parce que c'est un peu compliqué, et qu'il faut avoir une parole libérée. Donc ça, c'est des outils militants qui existent depuis le 19e siècle, parce qu'en réalité, par exemple, le festival Nyan Sapo, qui a eu lieu il y a 2 ans, qui est un festival afroféministe, qui réunissait des femmes noires, et réservait certains ateliers en zone de non-mixité, c'est comme ça qu'on dit. Donc uniquement pour les femmes noires. Ce qui est intéressant, c'est que dans un paradigme mainstream, blanc, entre guillemets, le réservé aux femmes noires va devenir interdit aux blancs. Mais j'ai envie de dire, si t'es un homme noir, tu peux dire aussi que t'es interdit, en fait. Et là, il faut s'interroger sur les personnes qui ont utilisé ce terme-là. Et pourquoi elles ont utilisé ce terme-là ? Parce qu'une des choses dans la domination, c'est que le dominé, il va pas en plus parler, quand même. Il va pas en plus protester. Il n'a le droit qu'à peut-être parler, mais de manière un peu timide, dans un coin. On va lui donner la parole à un moment donné. Si vous voulez, l'image, ça serait on vous accepte, mais vous restez dans le couloir. Vous n'allez pas venir au salon, quand même. Bon. Et si vous venez au salon, vous restez dans un coin, vous êtes un peu sage et propre. Vous n'intervenez pas, vous n'interrompez pas la conversation. Et là, tous ces jeunes interrompent la conversation. Ils disent, non mais nous, on a autre chose à dire. Et ça, c'est pris de manière très, très Quand vous êtes dominant et que votre domination est remise en cause, c'est une votre monde est tout d'un coup vacille et évidemment beaucoup de gens ne le supportent pas. Et donc il y a eu un renversement qui se fait et qui fait que ces personnes qui agressent tous les jours les racisés deviennent les agressés. Si Nicolas Sarkozy avait maintenu son voyage aux Antilles, voici un avant-goût de ce qui l'attendait. Un millier de personnes en colère dans les rues de Fort-de-France qui manifestent contre cette fameuse disposition de la loi de février 2005 qui souligne le rôle positif de la colonisation. Dès qu'on me méprise, dès qu'on va vivre ma douleur, il faut que je sois là. Et là, la douleur est remontée. Parce que je me dis que on ne peut pas, la force ne peut pas faire ça. On ne peut pas être aussi respectueux. Alors, La France est ma patrie. C'est quoi ce film, Ritipan, dans votre filmographie? La France, notre patrie, c'est. En fait, c'est une sorte de forme de. Comment dire, à l'époque, c'était une forme de. Peu de colère, mais colère contrôlée, je dirais. Ritipan, réalisateur. Je ne comprends pas ce discours, le discours de Dakar de Sarkozy. Je ne comprends pas trop ses propos sur que les Africains, sur que. Je trouvais un peu paternaliste. Et vu nous sommes déjà à ce siècle débutant, 21e siècle, je me disais que pourquoi on est obligé de revenir de cette manière-là? Pourquoi on ne peut pas revenir sur cette histoire que nous partageons des deux côtés, hein? Les mots tuent toujours en premier, hein. C'est après les gestes vont suivre. Les mots, c'est des choses qui enlèvent déjà, qui qualifient les êtres de un niveau différent, quoi. De faire ce qu'on est, on a quand même des héritiers directs, indirects, mais on est dans cette communauté de réflexion, quoi. Je voudrais un musée de colonies, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on a exporté? Quelle est la contribution des colonies pour la libération de la France? L'incompréhension va loin, hein. Moi, j'ai vu là les Martiniquais qui déboulonnaient, qui enlevaient les plaques, hein, Victor Hugo. On va très très loin. Moi, je ne suis pas pour ça. Hein. Je ne suis pas pour qu'on déboulonne tout les choses. Je trouve que c'est. Il faut expliquer. Il faut, voilà. Hugo et ça. Mais Hugo, c'est aussi ça qui nous a inspiré aussi ce que nous sommes aujourd'hui, qui a alimenté notre pensée aussi. C'est un des grands hommes qui a. Dans la sphère francophone, francophile, au moins. Tout au moins, nous, quand on était petits, on apprenait, quoi. Et puis, j'ai entendu quelqu'un l'autre jour qui dit que la colonie coûte plus cher que ça rapporte. Je ne sais pas d'où il sort tout ça. Voilà pourquoi on faisait la colonie. Pourquoi on envoie des soldats et mourir, hein, comme ça. Non, parce que c'est plus que ça, c'est l'espace étendre d'une culture, une étendre la supériorité. C'est pas obligatoirement amener les VA pour revenir en France avec, c'est aussi nous sommes le savoir, quoi. Nous décidons ce que vous devez savoir, quoi. Et alors, après, il faut que quand je vois quelqu'un aujourd'hui qui est en colère, qui est déboulonné, je dis bon. Je ne suis pas d'accord, quoi. En même temps, je me dis, bah, il déboulonne un statut, quoi. Mais leurs grands-parents sont courbés à travailler la terre pendant des années, quoi. Bah, moi, je trouve ça absolument sain qu'il y ait des actes qui posent, disons, un rapport de force. C'est un acte de violence symbolique qui est tout à fait bienvenu, nécessaire, à affirmer, disons, les revendications qui sont en cause, c'est-à-dire le droit à la justice, à la vie et aux droits les plus fondamentaux. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est très heureux qu'on puisse aussi réfléchir en ce moment à ce que veulent dire ces statuts dans notre espace public. Parce qu'au fond, bah, ils expriment aussi, oui, notre mémoire de l'ordre établi, c'est-à-dire notre mémoire de l'esclavage, enfin notre non-mémoire de l'esclavage, mais les grands profits qui ont permis, disons, à nos sociétés de prospérer grâce à l'esclavage. Ils reflètent que ce système, il se fonde sur l'idéalisation de grands hommes, de grands héros, qui sont des hommes de pouvoir, qui sont des hommes de guerre, enfin de violence, donc. Alors, certes, légitime, on pourrait dire, mais enfin, en tout cas, ça veut dire que notre histoire et notre mémoire collective passerait encore aujourd'hui par la mémoire de ces grands hommes militaires de pouvoir. C'est ça, Papa Schellcher, c'est ça. Papa Schellcher qui délivre, on met tout, en fait, à son nom en Martinique, alors qu'au final, les personnes elles-mêmes qui ont été opprimées se sont libérées elles-mêmes. Et c'est important, je pense que c'est une narration qui est confortante pour le dominant et qui, en même temps, au final, ne permet pas aux personnes qui ont été opprimées, qui ont été marginalisées, qui ont subi de se penser elles-mêmes, en fait. Ça veut dire qu'au final, on leur donne un récit, on leur dit d'avaler, de vivre avec ce récit. Et il y a l'expression « regard blanc » qu'on traduit donc de « white gaze », qui a été théorisé donc aux États-Unis, et on cite par exemple Toni Morrison qui a écrit ce livre qui s'appelle Play in the Dark. Et Regard blanc, c'est ça traite des différentes manières dont on est décrit et dont on est vu dans la société, et comment ce passé, quand il a encore des impacts aujourd'hui, a aussi des impacts, je parlais de la littérature, mais aussi plus simplement dans la vie de tous les jours, de comment, par exemple dans les livres, on parle de comment est-ce qu'on est vu quand on entre par exemple dans des magasins. L'expérience, je pense, qui est très commune à pas mal de personnes noires, c'est qu'on a déjà été suivi plusieurs fois dans les magasins par le vigile, qui lui-même est noir. Donc du coup, il y a cette chose où on comprend que on est vu d'une certaine façon, et cette vision a été intégrée par tout le monde, par nous-mêmes, et on l'a subi. Et au final, quand on parle de regard blanc, c'est aussi juste mettre des mots sur quelque chose qui est peut-être qui n'arrive pas à être décrite, dans le contexte français. Et là, il y a un travail intéressant autour de l'image. Comment celui qui a le pouvoir de faire l'image nous regarde, comment il nous filme. C'est vrai qu'on est un peu filmé comme les animaux tout au début. Même on filme mieux les animaux que nous, parfois. Ils nous filment tellement comme des animaux que les os humains sont fermés après, parce qu'il suffit de projeter le film. Ça remplace les os humains, quoi. Donc c'est une bonne chose au moins. Mais il fallait cette façon de voir l'autre autrement. Il y a côté l'exotique, mais il y a côté aussi sexuel. Je veux dire, le corps. Après, vous allez me dire qu'il y a l'anthropologie d'Adam. Oui, mais bon. Mais quand même, c'est un regard, quoi. Ce qui m'intéressait aussi, c'est. J'essaie d'imaginer le contexte qui fait que cette image existe. Qu'est-ce qu'il y a derrière le hors-champ? Pourquoi ils sont terrorisés comme ça? Pourquoi le chien court autour des gens s'il est plus libre que les gens qui travaillent dans les EVA? Voilà, c'est des petites boues des instants de vie, des instants de peur, des instants d'angoisse, des instants où on perd sa dignité, où on se sent nu. On voit apparaître, oui, avec l'affaire George Floyd. Pauline Peretz, maître de conférence en histoire contemporaine. C'est en quelque sorte un paroxysme qui est dû au niveau de médiatisation de l'affaire. Enfin, pour la première fois, il y a une vidéo de 8 minutes qui circule dans le monde entier et qui ne laisse aucun doute, aucun soupçon quant à l'utilisation arbitraire, injustifiée de la violence par la police blanche. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé d'Adama Traoré depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. Adama Traoré qui est mort en 2016, donc ça fait déjà 4 ans. Et finalement, il est revenu à la une de tous les journaux quasiment à la suite de la mort de George Floyd. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois qu'il y a de la part des militants français, des militants de la cause de soutien aux Noirs, un besoin de voir comment les choses ont été pensées aux États-Unis, comment obtenir l'attention internationale, comment formuler aussi les revendications, même si le cadre n'est pas rigoureusement le même. Il n'y a pas en France un racisme institutionnalisé comme c'est le cas aux États-Unis. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme anti-noir dans la police française. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais les cadres d'expression du racisme policier ne sont pas les mêmes. Point levé, genou à terre et slogan en anglais. Des symboles directement importés des États-Unis. Je ne peux pas respirer. Les derniers mots de George Floyd, mais aussi ceux d'Adama Traoré, jeune homme de 24 ans, noir lui aussi, décédé lors de son interpellation en 2016 dans le Val d'Oise. France-États-Unis, même combat pour les organisateurs. La bravoure de toutes les personnes qui se passent aux États-Unis a mis aujourd'hui en lumière ce qui se passe en France. Aujourd'hui, vous devez être le porte-voix. Vous devez être le porte-voix, on doit être le porte-voix de ce qui se passe en France. On doit tirer le rideau sur le racisme qui se passe ici en France, sur les personnes racisées. Le sujet central, moi, qui m'intéresse auprès d'Assa Traoré, c'est la vérité et la justice pour Adama. Aujourd'hui, c'est encore obscur. Et ça, ce n'est pas normal. Tout le reste... ses propos sur la colonisation, ses propos sur la France-Afrique, ça l'engage elle est sur un autre chemin, mais après elle a fait son propre chemin aussi de combat, je suis pas là encore pour lui interdire. Assa Traoré perd son frère, c'est une victime, et comme je le dis, la porter aujourd'hui comme l'égérie, parce que c'est le mot en fait, du combat, moi je trouve ça très bien. J'ai pas de problème avec ça. Qu'elle politise son débat, c'est un autre sujet. Le sujet, c'est que je pense qu'on lui a ouvert aussi les portes quand vous avez un ministre qui, en fait, lui répond comme une opposante politique, alors que c'est une Française qui est victime et qui avait besoin d'une réponse institutionnelle en disant « Écoutez, on va s'en occuper, il y a eu un problème, on est à votre écoute, ce n'est pas normal. » Ça n'a pas été la réponse. Donc, ils ont créé aussi ça. Et le terreau, c'est le terreau favorable à toutes ces personnes, parce que je rappelle, on est en 2012, quand la gauche arrive au pouvoir avec un gouvernement qui était censé accompagner ces combats-là. Manuel Valls est au pouvoir, Christiane Taubira est au pouvoir. Les violences policières n'ont jamais été une de leurs actualités. Jamais. Vous êtes notre chance. Vous êtes aussi une chance pour la France. Nous avons la chance de vous avoir. Peut-être vous demander... simplement de dire à votre maman que je la salue avec respect et affection, et que si je pouvais capturer un bataillon de vers à soie, je le ferais pour recoudre juste un petit bout de son cœur brisé. Dites-la que je la salue avec respect. On est dans l'émotion, oui. C'est pas la vérité de la science, mais c'est la vérité affective, et elle est intéressante à considérer, à prendre en compte aussi, en particulier dans un univers politique et social. Si l'indignation a été l'étincelle qui a permis à des jeunes et des moins jeunes, des racisés, racisants, moins racisés, moins racisants, de s'unir précisément pour pouvoir ensemble se mobiliser contre un phénomène français, les violences policières en France, tant mieux. Je vois pas en quoi ça, ce serait une importation délétère ou facile d'événements états-uniens. C'est pas George Floyd qui a révélé les violences policières en France. Adama Traoré, ça n'est pas Martin Luther King. Adama Traoré, on pourrait le rapprocher de George Floyd, qui n'est pas non plus Martin Luther King, à coup sûr. Aux États-Unis, le mouvement pour les droits civiques est une grande victoire, c'est un grand moment de fierté pour les Africains-Américains. Donc le mouvement antiraciste aux États-Unis a aussi une histoire qui a une histoire de héros, en quelque sorte, une histoire de choses extraordinaires, une histoire de géants sur lesquels sur les épaules desquels monter, pour reprendre l'expression commune. Et donc, aujourd'hui, les militants africains-américains peuvent aisément s'inscrire dans cette histoire avec ces grandes figures, par exemple King. Du côté de la France, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas une histoire, elle n'a pas été construite comme ça, en réalité, qui serait une histoire d'un grand moment libérateur avec des figures héroïques. Parce que l'histoire de la décolonisation, en particulier, elle a été pensée comme une histoire de perte de puissance, comme une histoire de défaite. Et donc, la référence américaine, c'est aussi une référence à un pays qui a une histoire héroïque du point de vue de l'antiracisme. Mais ce dont il est aussi question pour la France, c'est de revisiter notre histoire. Et il faut des héros noirs, si je puis dire. Vous voyez, il faut des héros nord-africains qui puissent être aussi des héros de la lutte contre la colonisation française ou des héros de la décolonisation dans les années 50 et dans les années 60. Donc il y a tout un pan de notre histoire à incorporer pour, en quelque sorte, donner une fierté à celles et ceux qui, par leur histoire personnelle, se rattachent à cette histoire. Et c'est peut-être aussi par ce mouvement-là que l'histoire américaine, du coup, sera relativisée. Il y a un énorme travail mémoriel à accomplir. Vous voulez dire que ces héros, si on veut aller les chercher dans les cartons d'archives, on peut ? Bien sûr. D'ailleurs, les autorités s'en soucient. Je pense par exemple à Adiba, ce héros de la résistance des Vosges, tirailleur guinéen arrêté et fusillé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Adiba, il a sa rue dans un petit village des Vosges et les personnes âgées là-bas se souviennent de ce jeune homme si courageux à la peau noire dans les Vosges. Mais est-ce qu'il est connu en dehors des Vosges ? De fait, très très peu. Adiba mérite d'être célébré par les plus hautes autorités de la République. La France, vaste sujet, je viens de résumer son drame. Le déclin de mon pays a débuté avec une guerre mondiale. 1940, France et Allemands ne s'embrassent pas, font chambre à part. Mais bizarrement, on voit pousser des chambres à gaz la même année. Hitler et Pétain marchent côte à côte. Depuis, rien n'a changé, peu de résistants et beaucoup de collabos. 1945, libération, c'est ce qu'ils font croire. C'est que le début de la fin, crime et violence. D'un coup, on croit, tout est détruit. Maintenant, on parle de l'imitation. Mais quand il a fallu construire, on a appelé l'immigration. Il fallait les loger, nouvelle génération de ghetto. Foutez-les-moi là-bas, de façon, ils puent. La plupart sont guédros. C'est ce que pense tout bas, beaucoup tout bas. Bah, cette époque, comme tout part en Europe, si t'es pas tout pâle, on t'écoute pas. 1954, garde d'Algérie, Le Pen, on garde à vous. À Tavon, parle d'amour, les ouvriers, loge dans des cages. La poule, cité dortoir ou trottoir, on les range tous là-bas. Les étrangères, on les aime sous la table ou des bananes autour de la taille. Pays de mon enfance avec le diable, ils pactisent. Bienvenue en France, terre d'asile, psychiatrique. Eldorado, je parle de ce pays là où la police règne. Eldorado, la liberté c'était qu'un joli rêve. Je dis pas que c'est ta faute, mais malgré tout, faut qu'elle assume. Qu'elle reste sur les petits d'ici, ceux qui se dissipent avec la fume. Eldorado, mais une fois les pieds sur terre, ils savent. Eldorado, y'en a qui tentent le train d'atterrissage. Pays de mon enfance avec le diable, ils... C'était l'universalisme en question, avec Antoine Spire, Aurélia Michel, Magali Besson, Evelyne Ayer, Françoise Vergès, Hugues Lagrange, Poniao, Francie, Célia et Marlène du collectif Jeunes et Racisés d'Amiens, Lovarinel, Papendiaï, Pauline Peretz et Ritipan, avec également Roda Chococam, Célia Potiron, Bintou Fila du collectif Piment. L'universalisme en question, réalisation Somanina, mixage Éric Boisset, archivina Anne Delaveau, coordination Marivonne Abolivier et Perrine Kervan, un documentaire d'Alain Lefkovitch, assisté de Juliette Vendier pour la série documentaire. Eldorado, je parle de ce pays là où la police règne. Eldorado, la liberté c'était qu'un joli rêve. Je dis pas que c'est ta faute, mais malgré tout, faut qu'elle assume. Qu'elle reste sur les petits d'ici, ceux qui se dissipent avec la fume. Eldorado, mais une fois les pieds sur terre, ils savent. Eldorado, y'en a qui tentent le train d'atterrissage. Pays de mon enfance avec le diable, ils pactisent. Bienvenue en France, terre d'asile psychiatrique. Universaliste, intersectionnel, militant, mandarin ou raciste fulminant, LSD, c'est tout pour cette semaine.